Docteur Snuggle est habillé par Bitoni Ravioli aux légumes. MC Jacqueline par Vegetarian Shoes Brighton. Ils ont utilisé des logiciels craqués tels que Fruity Loops et Cool Edit. Un micro volé à l'IUT de Caen, un câble d'alimentation électrique, deux ordinateurs, une guitare de supermarché, un synthé 06 ans de catalogue, du scotch, des stylos à billes, un flavor flave hurleur, des petits tournevis cruciformes, un couteau de cuisine, une cocotte minute, de la soupe, des samples des Clash, Pussy Galler. Ils tiennent à remercier Yo-Yo pour avoir monté l'ordinateur, Cécile de NRJ Paris, Boulinex pour avoir viré Snuggle, Jessie Garonne pour sa période hip-hop, MC Fucker pour sa démo de la mort, ainsi que Boulon pour sa voix off de remerciement. Michel Rocard pour le dispositif RMI. Michel Rocard pour le Michel Rocard pour le dispositif RMI, les pompiers, le général Caca et ses éclaireurs, les Guns of Brixton pour la picole, Hervé Chauvin, Mathieu Debar, Boudiou Records qui est le plus grand label du monde et nous sommes très heureux qu'il nous ait signé. Big up, big up.